Allô? Oui, c'est bien le Grenier Pop, le vendredi de 16h30 à 17h et en rediffusion le mardi de 19h30 à 20h. Donc rejoins-nous pour prendre ta dose de culture pop.